Dossier 6. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes sur Radio FM. Vous êtes passionnés de soleil, d'air frais, de ciel bleu, de beau temps. Venez en Syrie, visitez les grandes villes, les villages typiques, les plages immenses. Ce pays vous offre ses paysages merveilleux de mer et de montagne. Il est réputé pour ses marchés animés, ses musées, ses monuments touristiques, ses mosquées et ses jolies églises. À Damas, vous pouvez visiter le palais Al-Azem, la mosquée des Omeyyades, visiter aussi Saïdnaya et son merveilleux monastère. Venez déguster les plats locaux d'Alep et de Damas. Pour le logement, des hôtels de toutes les catégories sont à votre disposition. Vous avez également la possibilité de louer des appartements pas chers ou encore de loger chez l'habitant. Les Syriens sont amicaux, accueillants et généreux. Profitez du beau temps, venez nombreux, ne tardez pas. La Syrie vous attend et ouvre ses portes à tous les touristes.